Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, Histoire d'amitié, une série de Leïla Djitli réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a une forme d'amour. Cet instant où on lui a parlé pour la première fois dans l'escalier de l'immeuble d'enfance et cette conversation qui a suivi et duré des années. Il y a aussi des étés en bande, insouciants, ivres ou à vélo et des gamelles géantes de ravioli. Et puis la certitude d'être comprise, des rencontres évidentes, des complicités, mais aussi le doute et parfois un tête-à-tête à la vie, à la mort. Alors pour commencer, les personnages. Deux amis militants et camarades de détention, deux femmes qui voulaient décrocher et un bébé, un très jeune homme perdu et un autre viré d'un foyer. Ensuite le décor. Des vieilles photos, les pyramides du Caire, l'écriture à quatre mains, des prisons politiques, des cures de désintoxication, un bain, une distribution de nourriture, des frontières, des barbelés, la traversée de la Méditerranée, la place Stalingrad, des nuits dehors, le Mali, la Côte d'Ivoire et du théâtre. Aujourd'hui, premier épisode, qu'est-ce que c'est que cette histoire de crâne ? À la mort de Schiller en 1805, Goethe, qui est son plus grand ami, est évidemment complètement dévasté par cette terrible nouvelle. Schiller est malade depuis très longtemps, mais on ne s'attend pas du tout à ce que sa fin soit si rapide. Et donc Schiller est enterré. Et puis, en 1827, on décide, pour des raisons en fait qui sont des raisons de prestige, d'exhumer les restes de Schiller pour les transférer dans le caveau de la chapelle grand-ducale de Weimar pour lui rendre hommage. Et Goethe, à ce moment-là, alors, serait descendu dans la fosse commune où étaient jusqu'alors les restes de Schiller pour identifier ce qui restait de son ami. Et donc on exhume ce qu'on pense être les restes du grand poète. Et Goethe exige que le crâne de son ami ne soit pas exposé avec les restes du corps, mais qu'il le garde pour lui. Et donc le crâne est séparé du reste du corps et il est mis sous cloche, exactement comme une espèce de curiosité, un peu macabre, hein, je vous l'accorde. Et on l'entrepose dans la bibliothèque personnelle de Goethe et il le montre alors vraiment à très très peu de gens, des gens très choisis. C'est comme ça qu'on le sait d'ailleurs parce qu'on a quelques témoignages. Alors c'est un peu bizarre comme geste, mais on peut y voir, et c'est sûrement ça, un geste de fidélité, peut-être de protection aussi à l'égard de son ami. Je pense qu'il y a quelque chose de l'amour entre deux esprits, ça c'est certain. On a l'impression qu'à force de communication intellectuelle, ils viennent à s'éprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'amour pour l'esprit de l'autre est tel que ça en devient presque sentimental, mais par des voies qui ne sont pas celles de tout un chacun. Histoire d'amitié, des duos inséparables ou l'accord parfait. Un documentaire de Leïla Djitli, réalisé par Véronique Samouilov. Les amis que nous avons rencontrés regardent le monde de la même manière. On pourrait dire d'eux, comme les fameux oiseaux, qu'ils sont inséparables. Par-delà le temps, le style et l'époque, comme Montaigne et la Boétie, les histoires de Marie et Amel, celles de Siriki et Mohamed, et celles de Adèle et Bagat, illustrent parfaitement le proverbial « Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Bagat Tel Nadi et Adèle Rifat se sont connus au Caire à l'âge de 20 ans. Militants marxistes, c'est dans l'engagement que les deux hommes ont scellé leur amitié. On ne s'est jamais quitté ou retrouvé en nous embrassant, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est bon pour les amitiés ordinaires, ça. Oui. Donc il arrive. « Allez, pas le faire avec vous. Je vais regarder le manteau. Non, non, ça va. Bon. Nous avons apporté des pâtisseries marocaines pour nous amadouer. Alors, toi, allez, nous. Tu regardes ma table. Ben celle-là, c'est la dernière, donc. Alors. Celle-là, nous sommes au pied de la pyramide de Khéops. Et nous sortions depuis peu des camps de concentration. On est allé visiter nos ancêtres. C'est une très belle promenade. Quelle année Alors, ça, nous avons quitté le camp en 64. Ouais. Enfin, le dernier 65. Des camps. En 1964, il faut préciser 1900 parce que nous sommes au siècle passé. Vous vous souvenez de ce moment-là, tous les deux? Oui, c'était un moment où on ne savait pas très bien de quoi notre avenir serait fait. À ce moment-là. Vous sortiez de 5 années d'emprisonnement, de camps de concentration, oui, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. On était donc des militants marxistes, ce qui nous avait coûté donc ces années de camp. Et on avait rêvé d'une société qui changerait, qui serait plus fraternelle, plus... Oui, on s'était trompé de chemin. On croyait que le marxisme et le communisme allaient nous amener à la démocratie. D'ailleurs, tu me passes une idée qui est intéressante. Une des choses qui ont cimenté notre amitié, on s'est connus avant les camps, mais une des choses qui a fait qu'on a commencé à penser et même à écrire ensemble dans les camps, c'est le fait que nous étions, je ne dis pas les seuls, mais enfin, dans le tout petit nombre de gens, qui pensaient en termes extérieurs à la vulgate marxiste. On rêvait de démocratie et on pensait que tout ça allait s'agencer. Et on pensait surtout à l'idée de l'individu et des libertés individuelles, ce qui n'est pas du tout dans la manière habituelle de penser les choses. Et je me souviens que le premier article qu'on a écrit ensemble pour un journal mural au camp de concentration des Oasis, c'était sur la place de l'individu dans l'histoire. Notre amitié est née, elle est quasiment datée, même si c'était un jour du mois de mars 1955. C'était une période très faste dans la vie politique égyptienne. C'était au Caire, oui. On était tous les deux au Caire. Lui, tu faisais ta première année de médecine à l'époque, en 55. Moi, j'étais encore au lycée français du Caire. Nous nous sommes retrouvés dans un moment où l'Égypte basculait. Nasser avait fait son coup d'État en 1952. C'est vraiment un coup d'État militaire. Et pendant deux grandes années, ça a été un tourbillon de conflits au sommet de l'État et d'ailleurs dans la rue, parce que c'était un bouillonnement continu. Bon, les pays anciennement colonisés comme l'Égypte s'ouvrait, c'est un moment extraordinaire, parce que c'est la première fois que des dirigeants des pays prolétaires, des pays colonisés, des pays qui n'avaient pas voix au chapitre, se réunissaient entre eux en dehors de la tutelle de leur métropole coloniale. C'était un moment énorme. On s'est dit, il faut profiter de ce moment-là. Ça a été un petit moment, mais c'est dans ce cadre qu'on s'est découvert l'un l'autre. Mais notre amitié a commencé vraiment en prison. C'est-à-dire que nous avons commencé par discuter en prison de la situation en Égypte ensemble. Et c'est comme ça que nous nous sommes mis à écrire ensemble. Et c'était l'amitié. Je n'ai pas exactement le même souvenir. Non, mais c'est vrai, c'est bien. D'ailleurs, c'est très simple. Moi, j'ai envie de vous dire, dès que je l'ai vu, je savais que je serais son ami. Voilà, mars 55. Je me souviens bien, c'était à Garden City. Enfin, c'est un quartier du Caire, assez huppé, où il y a des rues en demi-cercle, curieuses. Et c'était une de ces rues où il est apparu et il venait. Et donc, il s'est approché, etc. Je l'ai vu venir. Voilà, est-ce que je réécris l'histoire? Je ne sais pas. Mais mon souvenir est très lumineux de ce moment-là, quoi. Voilà. Lumineux. Oui. Mais tout est lumière dans notre amitié. C'est comme ça que je la vis, moi. Il la vit lui aussi, mais il a envie de l'exprimer autrement, donc je le laisse. Pourquoi? Je dis que notre amitié est quelque chose de lumineux. Je ne veux pas simplement la... Comment? Alors, on a beau jeu de nous dire, enfin, vous avez dû quand même avoir des divergences, et mais tout le temps. C'est pas du tout... Sinon, ça aurait été très ennuyeux. Nous sommes très différents. Lui, c'est un homme organisé, c'est un homme scientifique. Moi, je suis anarchique, complètement. En plus, je suis paresseux. Lui, il a l'habitude de travailler beaucoup. C'est vraiment un occidental, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'il prend la vie au sérieux. Moi, je ne suis pas comme ça. Oui, moi, je vais dire la même chose, mais autrement. Lui est dans notre tandem. Il est vraiment l'élément créatif. Je veux dire par là que toutes les intuitions, souvent fulgurantes, c'est lui. Ouais, il est plus profond que moi. Moi, je suis plus subtil. Alors, nos bouquins, finalement, peut-être qu'il commence lui à écrire au moins, mais peu importe. Ce que l'un fait, il l'envoie à l'autre. Et l'autre, il fait toutes les ratures qu'il faut, et voilà. Ça fait le va-et-vient jusqu'au moment où on se dit, bon, ça va, on va envoyer à l'éditeur comme ça. Ça suffit comme ça. Vous étiez de deux familles complètement différentes. Au départ, rien n'était fait pour que vous vous rencontriez. Oui, c'est bien sûr. Oui, lui, il était bourgeois, moi, j'étais prolétaire. Lui était petit bourgeois et moi, j'étais moyen bourgeois. Je vais vous dire que nous deux, la religion ne comptait pas, la situation sociale ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était les valeurs universelles. C'est-à-dire, nous deux, nous étions attachés aux droits de l'homme, à la liberté d'expression. Et vous étiez dans une famille plutôt plus religieuse? Ah non, totalement athée. Il y a quand même, dans cette rencontre lumineuse, des moments assez sombres. C'est les moments où vous êtes arrêté et emprisonné. Adel a été arrêté le 1er janvier 59. Moi, je suis resté en liberté pendant à peu près 3 mois après. On a commencé à vagabonder dans les prisons. Lui, il va aux oasis. Moi, je vais à la citadelle. Après la citadelle, c'est le Fayoum. Après le Fayoum, c'est Abu Zabal. C'est un voyage. Nous nous sommes rencontrés au bout de 2 ans. Nous nous sommes retrouvés, c'est-à-dire. D'accord. Mais c'était un moment où Nasser ne voulait même pas qu'on fasse une manifestation autonome pour l'appuyer. C'était devenu un héros intouchable, pharaon au sens moderne. Et en même temps, il ne voulait plus du tout la moindre parole dissidente. Tous ceux qui, de près ou de loin, ne pensaient pas comme il fallait penser, les mettre en prison. Et tout devait être téléguidé d'en haut. C'est ça le problème. Mais en réalité, on était un groupe d'intellectuels qui ne posait pas de danger pour ma sœur. Absolument. Ah, oui, ah, oui. Donc, vous vous souvenez de ce jour où vous êtes arrêté, où est-ce qu'on vous emmène? Vous pouvez me raconter ce côté-là des choses? Je peux vous raconter un truc très amusant. D'ailleurs. On a été arrêté avant l'aube. On entre chez vous, dans votre chambre à coucher, bon, etc. On fouille, on prend ce qu'on veut prendre. Et on nous emmène au ministère de l'Intérieur, dans des couloirs bondés. On se rend compte qu'on est des dizaines. On ne savait pas trop ce qui allait advenir de nous. On était tous dans une fête de Nouvel An. Et puis deux ou trois heures après, on se retrouve là, ne sachant pas où on nous emmenait, pourquoi, comment. Bon. Et à ce moment-là... Hein, on vous a amené pour fêter ensemble. Voilà, c'est ça. Pour fêter ensemble. On nous a trimballé d'un camp à l'autre, mais les vraies retrouvailles, c'est août 1961, aux oasis de Kharga. Oasis de Kharga, c'est vraiment une oasis en plein désert libyque. Il fallait 18 heures pour y arriver, bon, un autre monde, quoi. Et là, vous savez, les souvenirs sont très sélectifs. Tout ce qui est très, très désagréable... Si vous me posez des questions, je peux vous dire, voilà le train dans lequel on était tous enchaînés. Imaginez un peu, c'est un train étroit sur un rail étroit. Il n'y avait même pas deux voies, c'est-à-dire le train, pour s'enfoncer jusqu'à cette oasis, prenait, je sais pas, 10, 12 heures. Et ensuite, revenez, nous étions tous enchaînés. Chaque fois que l'un de nous voulait aller aux toilettes, c'était on peut insister sur cette... Je retiens... Pas sentimentalement, ça. Je retiens le fait, on arrive aujourd'hui, c'était un endroit très ensoleillé, et puis on nous mène dans un truc. Lui était arrivé, tu étais arrivé un peu avant moi, n'est-ce pas? Ah oui, certainement. Depuis son arrestation et mon arrestation, on ne s'était pas vu. Dans cette prison, dans des situations tragiques. Pourquoi? On était torturés. On avait passé presque 8 mois à être torturés. Mais elles organisaient d'habitude une séance de réception pour les nouveaux arrivés. Cette séance de réception était très dure. C'est le moment où moi, j'étais vraiment, j'avais les pieds en lambeaux et il fallait le lendemain traverser un terrain, c'était des cailloux, des trucs vraiment hein, qui vous ensanglantaient les pieds. On était évidemment pieds nus. Et il fallait, en traversant ce terrain, aller ensuite dans une carrière où vous devez casser des pierres. Bon. Bon. Il se trouve que je suis tombé, j'étais vraiment très affaibli. Et il était là, il m'a porté sur ses épaules et il a pris tous les coups à ma place. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés au bout d'un an et demi. Mais bon. J'aime bien votre rire, Robert. Parce que maintenant, on peut rire. Chaque fois que quelqu'un parle de nous, oui. Il raconte cette histoire. Je dis à Adel, je t'ai porté sur le dos pendant 50 ans, ça va comme ça, ça suffit. Mais moi, je voudrais dire autre chose à propos de notre amitié. L'écrivain Khaled Mohamed Khaled, au bout de 20 ans, nous sommes revenus en Égypte et on l'a vu. Il nous a dit, la chose la plus précieuse chez vous, c'est votre amitié. Il avait même dit, je ne sais pas si on va retenir de vous votre œuvre, mais vous êtes déjà une légende pour nous. Parce que votre amitié. Mais ça, c'était quand on est revenu d'exil. On était déjà revenu en France et 20 ans après, on est revenu. Voilà, c'est une autre photo, puisque vous passez. Ça, c'est une des toutes premières qu'on a prises quand on est arrivé à Paris. Vous êtes arrivé... à Paris, en 1966. Elle est très belle, cette photo. Là, oui, elle est... c'est où? C'est vers l'île de la Cité. Oui, oui, c'est ça. Ouais. 66. Parmi nos premières surprises, c'était la Seine. Parce que quand on l'a vu, on a dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un canal. quand on voit le Nil au Caire, c'est large. J'avais entendu parler de la Seine, la Seine, la Seine, la Seine. Alors j'arrive et je vois quoi? Un canal. Il y a les camps de concentration et des luttes communes. Et on est arrivés ensemble, on était en exil, donc un certain exil en France. Bon. Mais ensuite, la vie ne nous a pas épargné les épreuves, bien sûr. Mais j'ai le sentiment, rétrospectivement, 60 ans après, qu'elle nous a aussi merveilleusement choyés. Nous avons eu la possibilité de faire tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire essentiellement penser, écrire, travailler, et d'ailleurs voyager, ensemble. Il se trouve qu'on a travaillé à l'UNESCO pendant 20 ans. On a travaillé tous les jours ensemble. C'est sans précédent dans les Nations Unies. Qu'il y ait deux postes avec des descriptions les mêmes. Bon, et donc ça c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que même le côté comment gagner sa vie a été résolu en étant tous les deux ensemble. Être à deux, ça vous donne une force absolument incroyable. Je retiens une gratitude infinie à la vie. Ne se sent pas de le dire. Nous avons eu de la chance. Alors, pour parler de cette période de l'UNESCO, justement, vous êtes comme ça une légende un peu pour cette institution, puisque quand on parle de vous, on dit les jumeaux. Oui, les jumeaux. En fait, elle s'impose à nous aussi, cette amitié. C'est devenu une tierce personne. C'est quelque chose qui nous relie à, bon, dans quelque chose que moi, je nomme transcendant, d'ailleurs. C'est quelque chose, voilà, qui vous prend par la main, et voilà, on a traversé toutes les épreuves. Mais je pense qu'il y a un mystère, mais ce mystère n'est pas facile à décrypter. Hein. Comme le mot l'indique, c'est un mystère. Oui, c'est pas... Je ne crois pas du tout qu'on puisse le réduire à quelque chose de rationnel. J'ai peur de dire des choses qu'elle ne voudrait pas que je dise. Marie fera toujours partie de ma vie, comme moi je ferai toujours partie de sa vie. Je n'ai pas peur de la route. On s'est rencontrés dans une réunion. Groupe de paroles. J'ai du mal à calculer, mais ça doit faire à peu près 24 ans, 25 ans. Amel et moi, on était comme deux sœurs après. Elle est rentrée dans ma vie et moi je suis rentrée dans la sienne. Même s'il sert. Le vent l'emporta. Je l'ai rencontrée dans le cadre des réunions de Narcotiques Anonymes, parce que j'essayais de décrocher. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait, mais j'avais pas vu tout de suite qu'elle était enceinte. Et... après que la réunion soit terminée, elle était toute seule. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marie pour la première fois. Il me semble que c'est moi qui ai été vers elle, en lui disant, mais pourquoi tu pleures? Ça, je m'en souviens. Et c'est comme ça qu'elle m'a raconté son histoire. Moi, il me semble que je ne lui ai rien raconté. Je lui ai rien raconté, puisque je disais même pas, même si c'est des réunions pour les gens qui ont envie d'arrêter, j'avais pas envie qu'ils me racontent leur truc, que c'est super d'arrêter. De toute façon, j'y croyais pas, quoi, parce qu'ils étaient, tous avec leurs dents, ils étaient beaux et belles, et j'y croyais pas, quoi, qu'on pouvait ne plus rien prendre, quoi. Marie Garel-Ouest est cinéaste. La fête est finie et son premier long métrage. Elle s'inspire de son vécu, une histoire d'amitié avec une jeune femme, Amel, qu'elle a rencontrée dans un groupe de parole. J'étais très jeune, et quand j'ai vu Amel la première fois, j'étais enceinte de ma deuxième fille, mais j'étais complètement larguée, j'étais un peu une calamité. Et je me souviens de cette jeune femme très belle, avec une forme de morgue comme ça, enfin quelque chose qui vous met un peu à distance et qui impressionne un petit peu. Super bien habillée, quoi. Moi j'étais vraiment dans la rue, toujours habillée comme l'as de pique. Elle, hyper jolie, hyper bien habillée. Je me souviens qu'elle avait les costumes là, chinois, là. Je me souviens vraiment de ça, bleu de Chine, là, les petits trucs avec le pantalon et la veste. C'était chic. Et je ne sais pas pour quelle raison, il y avait beaucoup de solidarité dans ces groupes de parole. Et donc, elle est venue à la maison. Je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai eu ce bébé et elle était là, Amel. Et donc, les premiers mois, on était toutes les deux avec ce petit machin. C'était un tout petit appart. Et voilà, il n'y avait pas beaucoup de trucs de copie, de « Ah oui, moi, je suis pareil ». Non, on n'était pas du tout pareil. Mais il y avait ce truc autour de cet enfant et de beaucoup d'affection. Il y a eu cette douceur-là. Je ne sais plus vraiment ce qui s'est passé. Moi, je n'étais jamais clean, mais on a rechuté. Enfin, en tout cas, ça s'est séparé. Mais sans fracas. Je ne sais plus très bien comment ça s'est passé. La deuxième fois, on s'est retrouvés en même temps, dans le centre de traitement. Parce que moi, je rechutais et je ne la mêlais pas à ça. Je ne voulais pas... Je voulais pas lui montrer ce que j'étais devenue et que je voulais pas la mêler à ça, puisque voilà, elle avait à l'époque, elle avait Lou qui était pas très grande et Clémence. Et donc du coup, on s'est retrouvés la deuxième fois au centre de traitement le même jour et on a fait les 2 mois ensemble dans le centre de traitement. C'était génial qu'on puisse être ensemble toutes les deux. Au même moment, parce que du coup, on s'est vachement aidés. Pour moi, c'était ma dernière carte, parce que je sentais que mon corps ne tenait plus et que je faisais OD sur OD, quoi. Donc, quand on dit OD, c'est overdose. Moi, je suis devenue séropositif parce qu'à l'époque, les seringues n'étaient pas en vente libre. Et c'est comme ça que je suis devenue séropositif, parce que j'étais enceinte et je l'ai appris à 3 mois de grossesse. Je sais plus ce que j'allais dire. Vas-y, frotte à fond, comme si tu faisais des vitres ou que tu lavais une bannière. J'ai jamais lavé une caisse de ma vie, putain. Oh, quoi ? Y a quoi ? Tu t'enlèves pas les poils ? Ben non. Enfin, je sais pas, je m'en fous. Attends, vas-y, montre. Et on est rentrés à genoux dans ce centre, toutes les deux, pour la deuxième fois. Alors tout le monde nous disait, on était vraiment les espèces de moutons noirs. Le thérapeute, il commençait chaque phrase avec le groupe en disant « Bon, vous voyez Marie et Amel qui font le centre pour la deuxième fois. Alors si vous avez envie d'être comme elles, on était pris en exemple d'être... » Parce que forcément, il y a une espèce de pronostic. Nous, on voulait qu'ils nous gardent, quoi. On voulait rester, on avait tellement peur de rechuter. Redescendez, on a pris un bain. C'est pas ce qu'on a entendu. C'est interdit de baiser, quoi. Et vous attrapez dans le bain. C'est carnaval, quoi. Mais ça te pose un problème. Et voilà, mais donc vous avez fait des trucs. Mais on n'a rien fait, et même ça te regarde pas. En fait, ça vous excite, hein, de vous imaginer à poil à nous toucher dans le bain, c'est ça? Mais ça m'excite que dalle, hein. Vous foutez la merde, c'est tout. Je vois pas pourquoi vous feriez à votre sauce, vous êtes pas différentes toutes les deux. Mais c'est quoi le rapport avec le bain, là? On s'est beaucoup aidés. On jouait un truc très important dans nos vies. Et du coup, elle m'a permise de me mettre à poil et de m'aider à rester, quoi, malgré la douleur. Parce que moi, j'avais pas l'habitude de souffrir. Si je souffrais, je prenais un produit qui m'anesthésiait. Et du coup, on s'est fait beaucoup de bien, toutes les deux. Et en fait, c'est comme ça que notre amitié a grandi, quoi. C'est un truc de sœur, quoi, un truc de famille. En fait, on s'est créé une famille, toutes les deux, avec les enfants. Parce que, en fait, personne ne pariait sur nous, même les thérapeutes qui étaient au centre de traitement. Mais ça, je l'ai appris après, qu'avec notre amitié, on allait rechuter toutes les deux. Mais parce qu'ils pensaient que c'était un truc, qu'on avait une amitié fusionnelle. Et ils n'ont pas compris que c'était quelque chose de l'ordre de la famille, de la fratrie. Et donc, du coup, on ne les a pas écoutés. On s'aidait vachement. Moi, je voulais du bien et elle aussi. Donc, il y a eu un truc tacite comme ça. Et pour moi, c'était très important qu'elle reste clean parce qu'il y avait les enfants. Franchement, c'est dégueulasse de nous séparer, Jean-Louis. On n'a rien fait. On a juste pris un banc. Oh, on peut pas s'arrêter une minute, là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous vous défoncez plus. Mais là, vous rejouez la même chose. Votre fusion, là, votre amitié, c'est une fuite. Hein, c'est comme la cam. Vous voyez pas, là, vous êtes en train de fuir. Vous êtes en train de fuir ce qu'on vous propose. Mais c'est pas vrai. On participe au groupe de thérapie. On parle aux autres, même aux cons, on leur parle. J'ai l'impression que tu te focalises sur nous deux, que... Je sais pas, que ça vous fait tout chier qu'on soit toutes les deux. Bon. Qu'on cède comme ça, mais moi, si Siam, elle était pas là, je me serais barrée. Là, vous entrez dans la partie la plus difficile, là, maintenant. Parce que le manque est passé, et justement, si vous vous sentez bien, ça vous fait croire que c'est bon, on peut faire ce qu'on veut. Mais en fait, vous êtes qu'au tout début. C'est maintenant que vous préparez votre futur. Et ça se fait pas avec une béquille. On boite complètement l'une sans l'autre, c'est ça? Peut-être je m'exprime mal, mais en quelque sorte, oui, oui. Il faut apprendre à marcher seul. C'est n'importe quoi. C'est un groupe, hein, et c'est un groupe assez... dans un moment assez fragile. Donc là, il y avait beaucoup de questionnements sur notre lien. On nous associait beaucoup aussi parce que on revenait toutes les deux pour la deuxième fois avec un énorme échec derrière. On retentait le coup. On arrivait en même temps et qu'on avait dès le départ cette espèce d'assise de nous, on est toutes les deux. Je pense que pour les autres, c'est un lien assez excluant. Ces deux filles, c'est appétissante. Qu'est-ce qui se passe, quoi, avec leur proximité. Mais à ce moment-là, on était deux jeunes femmes qui avançaient, comme on avançait de façon dans l'inconnu, assez terrorisées, mais juste. On n'a pas envie d'être seul, on est bien ensemble. On avait un lien familial tout de suite, et qu'il est indestructible. Donc c'est peut-être ça qui est mystérieux, c'est que c'est un lien qui est passé par la reconstruction. Voilà, on s'est tenus. Tiens, toi tu fais un pas, moi je t'aide à faire l'autre, toi tu fais l'autre, et tout ça. Et à un moment donné, on était indispensables l'une à l'autre. Quand vous arrêtez les drogues, vous êtes un enfant. Donc les gens qui sont à côté, je vous attachais énormément à eux. Donc nous, on est restés l'une à côté de l'autre. Voilà. On était bienveillantes l'une envers l'autre. Il y avait des fois où on n'avait même pas besoin de se parler. Il y avait juste le regard où quand elle disait quelque chose de douloureux, j'étais en empathie avec elle. Et elle savait que par mon regard, je la soutenais. Et pour moi, c'était pareil, quoi. Voilà, il y avait quelque chose d'une espèce d'amour inconditionnel. Moi, j'ai pas de dogme sur l'amitié et tout ça. Après, avec Amel, les preuves, si on peut dire ça, ou les choses qu'on s'est données, ah oui, elles sont très quantifiables, quoi. Parce que elle a quasiment élevé avec moi mes deux grandes filles. Elle a toujours été là. Et puis moi, j'ai eu des moments plus sombres. J'ai eu une période de rechute qui était assez violente et elle a été là tout le temps, comme dans les films, quoi. Là, pour le coup. C'est vraiment, j'abandonne tout ce que je fais, je te prends, je te mets dans un train, je t'emmène décrocher à la campagne, je dors pas, je te lave. je viens m'installer chez toi. Elle a carrément abandonné un boulot très important pour elle, mais sans que je lui ai même pas demandé. Hein, Moi, quand j'ai su que j'étais séropositif, ça m'a tellement traumatisée, parce qu'à l'époque, les gens qui étaient séros, on était pestiférés. Et donc, du coup, elle m'a beaucoup aidée là-dessus. Par exemple, moi, dès que je me coupais, je paniquais. Et elle me disait, non, mais attends, ça ne vit pas à l'air comme ça. Et Marie m'a aidée avec toutes ces vieilles peurs, quoi. L'amitié, tout ça, c'est un peu comme l'enfance. C'est-à-dire, on finit par aussi avoir des légendes sur sa propre vie. Je sais, par exemple, quand je retourne dans ces réunions, dans ces groupes de parole, les gens me disent... Ah, mais Amel et toi, quoi. Amel et Marie. Il y a un truc... Je veux dire, il y avait quelque chose d'un peu mythique comme ça qui vous dépasse aussi, que vous savez plus trop expliquer. Crashing in a wall. This time I need a miracle. Hurry up now. Moi, j'ai cette image-là, ça, c'est... C'était pour nos un an. Non, un an clean. Et en fait, on se trouvait au même endroit en vacances en Italie, chez sa mère, dans une piscine. Elle était avec sa dernière fille. Et moi, j'étais avec Lou, qui devait avoir à l'époque, je ne sais pas, 6 ans ou 7 ans, je ne sais plus. La première des filles. Voilà, la première des filles. Et on était en train de nager, en train de s'amuser avec les filles. Et d'un coup, on a eu cette même pensée toutes les deux. Oh là là, je suis clean et je suis bien dans ce que je fais. Et d'un coup, on se rejoint et je lui dis, mais Marie, oh, tu te rends compte, on est vivante. Et elle pensait la même chose. En plus, c'était un joli endroit. Et voilà, et ce truc de dire, oh, mais putain, on est vivante. On est là et on n'a pas mal, on n'est pas en manque. Let me down, down, down, down. Moi, j'ai toujours, depuis l'enfance, j'ai toujours ramé. J'ai toujours trouvé que c'était super dur d'avoir des amis. Moi, j'adore quand elle dit que c'est comme ma sœur. En plus, sachant qu'elle, elle en a une dizaine, je suis très fière, quoi, quand elle dit ça. Il y a un truc qu'on disait avant, chez les nourrices, on disait une sœur de lait. Je dirais ça. Ouais, une sœur de lait. Moi, je m'appelle Traoré Seriki. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France en janvier 2014. Et puis j'ai rencontré Mohamed lors d'un partage de la bouffe. Et c'est là, en fait, on se parlait. Donc voilà, il est connu, moi je suis Traoré. Donc voilà, tout est parti de là. Siriki Traoré vient de la Côte d'Ivoire. Mohamed Koné du Mali. Ils sont tous les deux mineurs lorsqu'ils arrivent à Paris tout début 2014. Ils sont venus d'Afrique jusqu'en Europe, l'un en franchissant la frontière grillagée de Melilla, l'autre en Zodiac, en partant de la forêt de Nador près des côtes marocaines. Mais c'est à Paris, place Stalingrad, qu'ils se rencontrent. C'était vers le pont Jaurès là. C'était vers ce côté. Bon, souvent on passait la nuit là-bas, souvent on passait la nuit dans le métro. Ça dépendait des jours, quoi. Voilà, ça dépendait des jours. Ouais. Moi, je m'appelle Koné Mohamed, je viens du Mali. Je suis arrivé en France le 2 mars 2014. Et tu avais quel âge? J'avais 16 ans et demi, donc du coup, à ce moment, il y avait... un endroit juste à Jaurès, qu'on appelait Paomi, qui prenait les jeunes mineurs étrangers, voilà. Et donc, à ce moment-là, le 7 mars, ils m'ont dit, Mohamed, on ne peut pas te garder parce que tu n'as pas d'extrait de naissance. C'est de là que mon aventure de dormir dehors a commencé. Donc, un soir, comme ça, j'ai rencontré Siriki. Parce que moi, Siriki, il était chez moi. Voilà. Parce que moi, j'étais sous le pont de Louis Blanc. Les Siriki, ils n'étaient pas fixes, mais nous, on était fixes. On dormait là-bas chaque nuit. On a mangé du poulet ensemble, d'abord. D'abord, on a mangé du poulet ensemble. On s'est présenté. Et tu viens de quel pays? Moi, je suis connu du Mali. Bon, lui, il m'a dit, ouais, je suis ivoirien. On s'est parlé. C'est là que notre amitié a commencé. Ce soir-là, c'était une autre chose. Une autre vie qui venait de commencer entre nous. Le fait qu'il les connaît et que moi, je suis Traoré, c'est que... on se permet de se tout dire, en fait. Donc, le fait de se tout dire, de se tout raconter, donc, ça vous rapproche de plus en plus. C'est-à-dire que dans votre histoire, l'un au Mali, l'autre en Côte d'Ivoire, peu importe le pays, un Koné et un Traoré sont forcément liés par quelque chose. Oui, c'est ça. C'est lié par quelque chose, ouais. C'est ça même l'histoire, ouais. En fait, parce que ça date très, très longtemps, parce que... par exemple, c'est ma grand-mère qui me disait beaucoup sur les ethnies, en fait, voilà, surtout les origines. Moi, comme je suis Koné, ma grand-mère me disait toujours, Mohamed, si tu vois un Traoré dans n'importe quel pays, respecte-le, parce que c'est ton frère, parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. Ces trucs-là, c'est une alliance entre les noms, voilà. C'est ça qui est très important. Parce que l'histoire, ce n'est pas entre nous dès maintenant. C'est le village qui prend position de cela. Ça devient affaire du village. Donc, du coup... Donc, en fait, vous, où que vous soyez, vous représentez tous les Koné et tous les Traoré du monde quand vous vous rencontrez, finalement. Comme il explique, c'est comme une exigence. Même sur nous, sur nos enfants, c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas se perdre. Parce que grâce à ce lien ethnique, ça a résolu beaucoup de problèmes en Afrique. Parce que même s'il y a un souci, lui peut être actuellement, peut-être il peut dire, ouais, moi je vais casser toutes les verres qui sont ici. Et moi j'arrive, je dis, hey, tu arrêtes, il arrête. On peut se fâcher, mais ne pas dépasser la limite. C'est vraiment très, très, très, très fort le lien qui a été vraiment inventé il y a très, très, très, très longtemps. Ce que vous me dites, c'est incroyable parce que vous vous êtes rencontrés à Stalingrad après avoir vécu une traversée l'un et l'autre. Vraiment difficile, Siriki en la Méditerranée en bateau. Mohamed, toi, tu as sauté la fameuse barrière qui est la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Vous avez vécu dehors, vous dormiez dans la rue, mais quand même, ça, c'est quelque chose qui reste. En fait, ce lien, j'ai vu les Koné, j'ai vu, voilà, il y a cette solitude qu'on avait à chaque fois d'être toute seule. Et là, tu as quelqu'un avec qui tu peux t'amuser et passer le soir ensemble. Donc voilà, ça nous divertissait au fur et à mesure. Voilà, il y a plein de choses qui sont nées dans ça, en fait. Les moments difficiles, par exemple, c'est pas juste quand tu dors sous un pont, c'est pas seulement qu'il y a un moment difficile. Le moment difficile, c'est quand tu es dans tes réflexions, souvent, quand on marche souvent dans la rue, on n'est pas bien. Sincèrement, ça fait du bien qu'une personne te parle. Vous êtes resté combien de temps dehors? 6 mois, ouais, parce que de janvier jusqu'en fin mai, moi. Donc je t'ai dit en juin, quoi. En fait, déjà on s'est vu vers le pont de Jaurès, on mangeait, on faisait les trucs, et après on fréquentait presque toutes les associations ensemble. Donc l'antenne jeune, tous les jours quand c'est ouvert, du 19e, quand c'est ouvert, on va pour prendre les cours de français, les cours d'anglais, c'est-à-dire. C'était vraiment l'endroit où on pouvait être au chaud. On venait même, il y avait un foyer, on avait 1 euro, 2 euros 50, on partait là-bas pour manger au moins de la nourriture africaine, comme c'est pas trop cher. Donc franchement, on a fait plein de choses ensemble. Je sais même pas, tout ce qu'on a fait ensemble, c'est énorme. Voilà, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais on s'est beaucoup soutenu, quoi, vraiment. Ouais. Parce que dormir dehors, c'est déjà un combat. D'ailleurs, on n'est plus des amis, on est des frères. Parce que dans le quotidien, comme il vient de le souligner, 49 terres à Vénéflandre, où tous les jeunes, les nouvelles arrivants se retrouvaient dans le 19e, c'était vraiment pour nous un endroit sacré. Ce qui était drôle dans tout ça, on était mélangés avec les jeunes du 19e. Vraiment, il y avait une mixité. Une mixité, on ne pouvait pas connaître que tu étais un migrant, sauf si tu le disais. Comme on a le temps de 18h30 jusqu'à 22h30, 23h, on est en hiver, ça serait mieux de passer tout ce temps au chaud. Et après 23h, je vais me retrouver dans le froid. Mais quand même, j'ai passé un bon bout de temps déjà au chaud. Donc, en fait, cet endroit, ça nous a beaucoup aidés. Mais, pourquoi on est devenus frères? Parce qu'on a commencé le théâtre ensemble. J'ai quitté chez moi et j'ai traversé le désert du Mali. C'est beau le désert du Mali? C'est beau, mais c'est chaud. Ensuite, j'ai traversé l'Algérie. C'est beau l'Algérie? C'est beau, mais c'est grand. Enfin, je suis arrivé au Maroc, à Binissa, la plage. Les belles femmes et le mur. Et toi? Moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire. J'ai traversé le désert du Mali. C'est beau le désert du Mali? C'est beau, mais c'est chaud. Moi, je préfère le grand large, la mer. Alors j'ai traversé en Zodiac. On était 71 personnes. Il y avait les enfants de 2-3 ans. Il y avait les femmes enceintes. Il y avait les hommes de toute génération. On était tellement nombreux qu'on était collés, serrés les uns aux autres, comme dans une boîte de sardines. Il y en a même qui vomissaient sur les autres, par joie d'être là, sûrement. Mais moi, j'étais sûr et certain qu'on allait arriver sains et saufs. Car j'avais vu que le passeur avait deux complices. Un dauphin marocain qui nageait à côté du Zodiac. Et un aigle qui nous montrait la route. Magnifique. Il était grand, avec des ailes blanches et noires. Un aigle royal, avec une couronne sur la tête. C'est une mouette. Pour moi, c'était un aigle. Vous savez ce qu'un aigle a fait? Il a été demandé secours à un bateau de la Croix-Rouge pour venir nous chercher. Et c'est comme ça que j'ai fait le premier pas en Europe. Sincèrement, souvent, ça ne va pas. C'est qu'il n'est pas là. Partout, je rigole. J'ai des problèmes, hein, mais je rigole. Ça m'aide à avancer. Je croyais que tu chantais aussi parfois, non? Je chantais très bien. Je chante en arabe, je chante en bambara. Et sincèrement, c'est quelque chose que j'adore. Je vais chanter. Allez, vas-y, chante, Coco. Ayo le canto didae. Ayo le canto didae. Aïe kana cholole ton kana Aolo fabere bena fili aoma kaye ton kanyi Faso kono mogo bena nyine aoko kaye ton kanyi Aha kekera moko baye ton kantun todon Aha kekera jamatiki ye ton kantun todon Aha kekela moko baye ton kantun todon Ton kanfe sayako ni dambiti la lemba denu Ae Ibarka. Abarka lay. Lui, il a un monde particulier. Moi, j'ai nommé, mais on a quelque chose en commun. Voilà, c'est ça. Enfin, il y a un lien affectif qui est là. Ce truc qui est là, nous-mêmes, on ne peut pas l'expliquer, en fait. Parce que c'est plus fort que la conscience elle-même. Donc, le truc, il est dans le cœur. Une fois il est dans le cœur, c'est largement suffisant. Voilà, et la raison ne peut pas l'expliquer, sincèrement. Ouais. Sincèrement, il n'y a pas mot... Je t'aime. Voilà, c'est ça, c'est tout. Voilà. Ça fait déjà bien. Mais c'est pas l'amour des filles. Hein. C'est quelque chose en fait, c'est les cœurs qui se sont rencontrés. Mais physiquement, c'est pas nous. C'est nos cœurs qui se sont rencontrés. Quand Sirki cuisine, il m'appelle Mohamed, j'ai cuisiné, si t'as pas encore mangé, viens manger. Parce qu'il sait que je suis pas encore rentré chez moi. Quand je cuisine, c'est pareil. Donc, quand je dis c'est plus fort, nous sommes des frères. On est même plus, on s'aime même que certains frères. Souvent, je dis les inséparables. Cette amitié-là, elle est plus forte que nous. Tu sais, des fois la vie, elle est bizarre. Elle sépare les hommes, mais on ne sait pas pourquoi. La vie est dure et parfois cruelle avec nous. Avant de quitter mon village, je ne savais pas que j'aurais pu rencontrer un vrai ami, fidèle et sincère comme toi, Coco. Sur qui j'ai pu me reposer, en qui j'ai pu faire confiance et qui m'a fait confiance. Comme si on venait du même ventre. Un vrai, avec ces liens indéfectibles qui nous lient. Moi non plus. Je ne savais pas que j'allais avoir un ami comme toi. Après, pourquoi on a eu l'idée d'écrire? Parce que Siriki, lui, pourra vous expliquer pourquoi il a commencé à écrire. Moi, j'écrivais depuis le premier jour que j'ai quitté le pays. Parce que je savais déjà que la route allait être très dure. Donc j'avais franchement un petit carnet avec moi où je mentionnais tout dedans. Mes angoisses, mes peurs, mes sentiments. Donc j'écrivais tout déjà sur ce bouquin. C'est comme ça, moi, j'ai commencé l'écriture. Jusqu'à ce que je viens maintenant le rencontrer. Donc lui aussi, il a commencé à écrire, pareil, et les écritures sont familières. C'est ça en fait le truc quoi. Même demain, il écrit là-bas, moi j'écris de l'autre côté, sur le même thème. Si on vous ramène les deux écritures, vous allez dire, mais vous vous êtes associés pour le faire. Souvent, on a presque la même manière de réfléchir, donc c'est facile franchement à les fusionner. Et c'est ce qui a créé le spectacle. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun de votre côté... Au fond, vous avez vraiment beaucoup avancé. Vous êtes passé de la rue à le théâtre, l'écriture et puis des études. Et maintenant, l'un et l'autre, vous avez un métier. Ouais. Ouais, en plus du théâtre et en plus de tout ce qu'on a vécu. Voilà, aujourd'hui, on a un métier. On a nos diplômes pour garantir quelque chose comme un avenir supplémentaire à côté de ce qu'on va vivre dans le théâtre. Quel est ton métier, Siriki? Moi, je suis miroitier. Moi, je fais la menuiserie à l'UVER. Moi, je suis technicien des bâtiments, des patrimoines, en fait, parce que nous, on est habilité de travailler dans les patrimoines. Et c'est très demandé. Donc, ça, en plus, ça m'aide beaucoup à réfléchir la nuit pour pouvoir écrire. Would you like to meet my little friend? Don't try to shake his hand, he's just pretend. Merci à Marie Garelves et à Mel, à Bagat El Nadi et Adel Rifat, à Siriki Traoré et Mohamed Koné, à Étienne Kern et à Anne Bockel pour leur livre « Le crâne de mon ami ». Extrait du film « de Marie Garel Ouest, la fête est finie. Prise de son, Cyprien de Limerville, Laurent Lucas et Jean-André Giannacchini. Mixage, Jean-Michel Bernou. Histoire d'amitié, les duos inséparables ou l'accord parfait, un documentaire de Leila Djikli, réalisé par Véronique Samoulov. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter avec votre meilleur ami, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Méji et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, deuxième épisode, l'ami héroïque. Et pendant 15 jours, grâce à Tank, notre partenaire, allez creuser encore les histoires d'amitié et regarder Vivant, le film de Vincent Boujon, il y a un lien exprès sur la page de l'émission. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.